بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Chapitre 15, donc le chapitre des textes concernant la divergence au sujet du Coran, ses termes ou ses sens. La divergence parfois elle va être concernant les sens du Coran ou parfois concernant les termes même. Et ça on va le voir inch'Allah ta'ala. L'auteur il nous cite, il nous dit la parole d'Allah le puissant, le majestueux. Il ne cesse de diverger, subhanallah. Il ne cesse de diverger, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Il ne cesse de diverger, sauf ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde. Donc, comme il nous dit ici, sourate 11, verset 118-119. Et ça, ça contredit quoi? Ce verset-là, il contredit quoi, les frères? Ce verset-là contredit quoi? Ce qu'on a vu précédemment, quoi? Ouais, ça contredit ce qu'on a vu précédemment. Le hadith que les gens ne cessent de répéter, un hadith qui n'a aucun fondement, aucune base. Irtilef ummati rahma. La divergence de ma communauté est une miséricorde. Ici, Allah elle nous dit, il ne cesse de diverger, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Et donc, la divergence est mauvaise. La divergence est mauvaise. D'ailleurs, cette parole a été rapportée dans des compagnons. Ibn Abi Shayba, il dit dans son Mousannaf, son recueil de hadith. D'après Qatada, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakrin, Omar et Othman, ainsi, et Othman durant une partie de son de sa période où il était au pouvoir, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar et Othman durant une partie de la période durant laquelle où il était au pouvoir, tous ils accomplissaient la prière à Mecca, à Mina, en faisant raka'atayn, deux unités et pas quatre. Puis Othman a accompli cette prière en faisant quatre unités. فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجَ اللَّهُ عَنْهُ. Alors Ibn Mas'ud a entendu parler de ça. فَاسْتَرْجَعَ. Ça veut dire quoi, فَاسْتَرْجَعَ? Raja'a, c'est retourné. Ça veut dire quoi? Il est donc allé devant. Non, فَاسْتَرْجَعَ, c'est une parole que qu'il va utiliser pour rejeter quelque chose. Pour rejeter quelque chose. D'accord? Quand tu n'es pas d'accord. La hawla wa la quwwata illa billah. On a inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'accord? Donc le fait, pour montrer ici que c'est un mal, pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec cela, istarja'a. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. D'accord? Et donc Ibn Mas'ud, c'est ça qu'on appelle l'istarja'a. Et donc Ibn Mas'ud, quand il a entendu cela, que Othman il a accompli les sept prières à Mina en faisant quatre unités et pas deux, ou alors que Othman il devait la faire en quatre unités et pas deux, il a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Puis Ibn Mas'ud, il a accompli quatre unités. Et donc Ibn Mas'ud, le même qui n'était pas d'accord, lui-même il a accompli quatre unités. Faqila lahu istarja'ta thumma sallayta arba'an. Alors il lui fut dit, c'est toi qui as dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ensuite tu as pris quatre unités toi aussi. Il a dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu, El khilaf ou char. La divergence est mauvaise. La divergence est mauvaise. Et donc ici, barakallahu fikoum, c'est important de comprendre que Ibn Mas'ud, il ne voyait pas qu'il était interdit de prier quatre unités, sinon il ne l'aurait pas fait. Parce que rappelez-vous, on ne suit pas le mouvement des ikhwan, des frères musulmans, que parmi leurs mouvements, parmi les principes fondamentaux du mouvement, il y a le fait de s'unir, donc, et de s'excuser quant aux sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Et donc, en gros, on s'unit sur un peu tout et n'importe quoi. Tandis que les gens de la sunna, non, ils ne sont pas d'accord avec ça. Allah nous a dit, « Wa'tasimu bihablillahi jami'a » On doit s'accrocher tous au livre d'Allah, au câble d'Allah. On s'accroche à la vérité. Et donc, si Ibn Mas'ud, il voyait qu'il était interdit de prier à Mina en faisant quatre unités, il ne l'aurait pas fait. Même si, donc, ici, il y aurait eu une divergence entre lui et Othman. D'accord ? Ça, c'est important de le comprendre. Et donc, s'il l'a fait quand même, c'est parce que pour lui, c'était permis, mais ça contredit donc ce qui est mieux. Ça contredit ce qui est mieux, le fait de faire deux unités de prière pendant le voyage. Ensuite, il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit, et sa parole, c'est-à-dire la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les gens formaient une seule communauté. Allah a alors envoyé les prophètes en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Masha'Allah, les frères, ce verset, il est très très très important. Très important. Et il y a deux avis dans la compréhension de ce verset. Le premier avis, « Kana an-nasu ummatan wahida » Les gens formaient une seule communauté. C'est-à-dire, les gens étaient unis sur la mécréance et l'égarement. Les gens formaient une seule communauté, c'est-à-dire qu'ils étaient unis sur la mécréance et l'égarement. Alors, à ce moment, Allah a envoyé les prophètes annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs contre un châtiment douloureux, afin de guider les gens. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, qui est l'avis le plus juste, l'avis le plus juste d'ailleurs, c'est aussi un des choix du très célèbre Cheikh Ubayd al-Jaberi, hafidhahullah ta'ala. Kana an-nasu ummatan wahida. Les gens formaient une seule communauté. C'est-à-dire que les gens formaient une seule communauté sur la guidée. Les gens formaient une seule communauté sur la guidée. Ensuite, ils ont divergé. Ils ont divergé. Et certains savants nous précisent qu'ils ont divergé 10 générations après Noé. 10 générations après Noé. Ils ont divergé. Alors, à ce moment-là, Allah a envoyé les prophètes annonciateurs et avertisseurs, afin qu'ils montrent aux gens la vérité quant à leur divergence. Et c'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit après cela, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fi. Et il a fait descendre avec eux, donc avec les prophètes, le livre avec la vérité, afin qu'ils puissent juger d'entre les gens de ce sur quoi ils divergèrent. Wa mahtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum. Et certes, les seuls à avoir divergé sur cela sont ceux à qui il a été donné, donc le livre, après que les éclaircissements leur furent montrés. Tout cela, baryan beinahum, la jalousie et la transgression qu'il y avait entre eux. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqq bi'idni. Alors Allah a guidé ceux qui avaient cru dans ce sur quoi ils divergèrent par sa volonté. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Et Allah guide il veut vers une voie de rectitude. Et donc on comprend dans ce verset barakallahu fikum qu'il y a une réplique à ceux qui disent que la religion divise. Parce qu'en fait, en réalité, à la base, les gens ils étaient unis, tous unis sur la vérité, sur le tawhid, sur le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Puis ils sont venus avec des déviances. Et donc ce sont les déviances qui divisent. Et c'est tout ce qui contredit l'islam qui divise. Parce qu'à la base, les gens, ils étaient unis sur l'islam, sur la vérité. Et donc ce n'est pas l'islam qui divise. Ce n'est pas la sunna qui divise. Mais ce sont les déviances qui vont diviser les gens. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, et dans le recueil authentique d'Abkab ibn Mas'udin, radiallahu anhu, qui dit, j'ai entendu un homme réciter un verset alors que j'avais entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, réciter autrement. Regardez le comportement d'Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, il a dit, il n'a pas dit, j'ai entendu un homme réciter un verset de manière incorrecte. Il n'a pas dit de manière incorrecte. Il a dit, alors que j'avais entendu le prophète réciter autrement. Et donc là, c'est comme s'il met la faute sur lui-même. J'avais entendu le prophète réciter autrement. Il n'accuse pas directement la personne. Je l'ai alors pris par la main. Hein? Il ne lui a pas donné un coup de pied. Je l'ai alors pris par la main. Et je suis parti avec lui auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ai fait savoir cela. J'ai reconnu l'aversion sur son visage. La colère, le prophète n'a pas aimé ça. Puis il a dit, vous avez tous les deux bien fait. Ne divergez donc pas. Car ceux d'avant vous ont divergé et sont tombés dans la perdition. Et donc ici, ils ont tous les deux, ils ont divergé dans la récitation, c'est pas dans le sens. Ici, c'est dans la récitation. Et les deux récitations étaient bonnes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, ne divergez pas, les deux récitations sont bonnes. Les deux sont correctes. Et à ce même sujet, d'après Omar qui dit, je suis allé tôt voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et j'ai entendu les voix de deux hommes qui divergèrent sur un verset. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est alors sorti et on reconnaissait la colère sur son visage. Puis il a dit, ceux d'avant vous furent dans la perdition par leur divergence au sujet du livre. Et donc, encore une fois, on voit le mal qu'il y a dans la divergence. Il ne faut pas nous dire que la divergence de la communauté est une miséricorde, car ceci est totalement faux et contraire au texte. On voit ici le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut en colère à cause de la divergence. Et on voit donc aussi le fait que la colère est bonne aussi parfois pour réprimander le mal. Pour réprimander le mal. Hein, parfois on a besoin de se mettre en colère pour réprimander quelque chose qui n'est pas correct. Les gens, ils ne sont pas habitués à ça. Aujourd'hui, ils voient un imam qui se met en colère. Oh, regarde, il s'est énervé, il s'est énervé. Non, oui, il s'est énervé. C'est une bonne colère. C'est une bonne colère. On voit dans ce hadith, encore une fois, le fait que la divergence, c'est une cause qui mène à la perdition. Et donc, on ne peut pas dire que la divergence est une miséricorde, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre clairement que c'est une cause qui mène à la perdition. Et comme on l'a dit précédemment, donc nous ne devons pas nous diverger, mais non plus nous ne devons pas nous unir sur n'importe quoi. On ne doit pas s'unir sur le faux. On ne va pas s'unir avec les dealers, avec les voleurs, avec les déviants. On doit s'unir sur la vérité, le Coran et la Sunna. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Il nous dit tabarak wa ta'ala, accrochez-vous, cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. La sourate 3, Ali Imran, le verset 103. L'auteur qui continue, rahimahullah. Et dans le Mousned, donc c'est-à-dire ici le Mousned de l'imam Ahmed, selon lui, donc, c'est-à-dire Omar. Dans le hadith de Amr ibn Shu'aib, qui dit, nous étions assis près de la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains ont dit, Allah n'a-t-il pas dit cela? D'autres ont dit, n'a-t-il pas dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors entendu cela et est sorti. On aurait dit que des graines de grenade avaient été percées sur son visage. Son visage est devenu rouge. Il était en colère, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit, est-ce que c'est ça qui vous a été demandé de faire? Subhanallah. Est-ce que c'est ça qui vous a été demandé de faire? Le fait de diverger, ça éloigne les gens de ce qu'il leur est demandé de faire. Ça éloigne les gens de ce qu'il leur est demandé de faire. Et donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est ça qui vous a été demandé de faire? Ou est-ce que c'est pour cela que vous avez été envoyé? Est-ce que vous opposez les versets du livre d'Allah les uns contre les autres? Les communautés d'avant vous se sont égarées à cause de cela. Vous ne faites rien de ce qu'il y a là. Regardez ce qui vous a été demandé et œuvrez avec. Et ce qui vous a été interdit, alors délaissez-le. Dans une autre narration, il est sorti alors qu'il se disputait au sujet du destin. Tirmidhi l'a aussi rapporté d'après le hadith d'Abu Huraira, dans lequel il est cité, il est sorti alors que nous nous disputions au sujet du destin. Et il dit, c'est-à-dire Tirmidhi, correct. Et donc, on voit, barakallahu fikoum, comme j'ai dit tout à l'heure, comme on a vu tout à l'heure, parmi les méfaits de la divergence, le fait que la divergence nous préoccupe et nous éloigne de ce qui nous a été demandé de faire. Et dans ce hadith, on voit qu'il ne nous a pas été demandé de diverger, mais au contraire, c'est l'opposé. Il nous a été demandé de nous unir. Dans ce hadith, il y a aussi la dureté. Le fait d'appliquer la dureté envers ceux qui contredisent la législation. Parfois, c'est très profitable. C'est très profitable quand cela est bien fait. Comme ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué la dureté face à ceux qui ont contredit la législation. Les gens aujourd'hui, s'ils voient quelqu'un qui applique la dureté par rapport à certaines personnes qui contredisent la législation, ils vont dire « Ah, il est dur !»« Il est dur, Abdel Karim !»« Il est dur !» Mais eux-mêmes, si un jour quelqu'un, une personne va faire un petit accrochage sur sa voiture, un sujet mondain, là on ne parle pas de la religion d'Allah, c'est un sujet mondain, une égratignure qu'il y a sur ta voiture, ils peuvent se fâcher, crier, alors que c'est un sujet mondain. Taïb, n'est-ce pas que le sujet religieux mérite plus qu'on ait cette jalousie pour Allah tabaraka wa ta'ala? Et donc oui, parfois c'est très profitable le fait d'appliquer la dureté envers ceux qui contredisent la législation, quand cela est bien fait, bien entendu. Mais en sachant que la base, on commence avec la douceur. On commence avec la douceur. Premièrement, c'est ça la base. Et ensuite, après, avec la dureté. Comme ça s'est passé, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous montre avec Pharaon. Allah, il a commencé avec Pharaon en douceur. Il a envoyé Moussa et Haroun. Fekoula lahu qawlan layyina. Alors, parlez-lui de manière douce. Parler à qui? À Pharaon, malgré tout ce qu'il faisait. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à Moussa et Haroun de parler à Pharaon de manière douce. Et donc, il a commencé avec la douceur. Puis, la dureté. Puis, après cela, la dureté. 16, le chapitre, si vous divergez, alors levez-vous. Si vous divergez, alors levez-vous. Dans le recueil authentique, selon Jundub, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, récitez le Coran tant que vos cœurs sont unis. Mais si vous divergez, alors levez-vous. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Et rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis et qu'il a uni vos cœurs. Subhanallah. Et donc il y a en cela le fait d'inciter à l'union et le fait de mettre en garde contre la division. Al-Bukhari rahimahullah, il a cité ce hadith d'ailleurs dans le chapitre de Karahatul Khilaf. Le fait que le khilaf, la divergence est détestable. La divergence est détestable. Et donc si ici, on comprend dans ce hadith que s'il y a une ambiguïté, les gens sont en train de réciter le Coran, et pendant qu'ils récitent le Coran, s'il y a une ambiguïté qui entraîne une divergence, et qui entraîne la division, alors il nous a été ordonné de délaisser cela. Et aussi, certains savants nous disent que lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que vos cœurs, récitez le Coran, tant que vos cœurs sont unis. Ils nous disent les savants, et donc on comprend dans cela que le Coran, on doit le lire pour méditer. Parce que les cœurs sont unis, c'est-à-dire que les cœurs méditent. Les cœurs méditent, donc, quant à la lecture du Coran. فَإِذَنْ صَرَفَ اللِّسَانُ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَالْقَلْبُ عَنِ التَّدَبُّرُ فَكُومُوا. Mais si par contre, la langue n'est plus concentrée sur la récitation, sur le fait de réciter, la langue ne récite plus, et le cœur ne médite plus, alors à ce moment-là, levez-vous. Ils nous disent, donc, une deuxième interprétation de ce hadith, c'est pas la divergence qu'il y a entre les gens, mais ici c'est le fait que le cœur n'est plus en accord avec la récitation. Le cœur, donc, ne médite plus. À ce moment-là, levez-vous. Et les deux rapportent selon Na'abbas, les deux c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim. Ils rapportent selon Na'abbas que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit durant sa maladie, amenez-moi de quoi vous écrire un livre après lequel vous ne vous égarerez point. Omar a alors dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est saisi par la douleur et certes, nous avons le livre d'Allah, cela nous suffit. Certains dirent, non, mais amenez-lui de quoi écrire. Ils ont divergé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, levez-vous et partez. Il ne convient pas de se disputer auprès d'un prophète. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu écrire un livre. Cependant, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et donc, on comprend quoi de cela? C'est que ce livre n'était pas obligatoire. Pourquoi? Parce que s'il était obligatoire, le prophète, il aurait écrit sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit donc, je vais écrire un livre après lequel vous n'allez pas vous égarer. Il y a déjà d'autres hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme par exemple, comme dans le Bukhari et Muslim, taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in ihtasamtum bihi. Kitab Allah. Je vous ai laissé ce avec quoi vous n'allez pas vous égarer si vous vous accrochez à cela, le livre d'Allah. Dans Sahih al-Bukhari. Et dans le Hakim, dans le Mustadrak de al-Hakim, d'après Abu Huraira radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inni kod khalaftu fikum shay'ayn lan tadillu ba'di ma akhadhtum bihima wa amaltum bima fihima Kitab Allah wa Sunnati. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, certes je vous ai laissé deux choses par lesquelles vous n'allez pas vous égarer après moi, si vous prenez ces deux choses et si vous œuvrez avec ce que contiennent ces deux choses, le livre d'Allah et ma Sunna. Et donc, ce livre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il voulait écrire à la fin de sa vie, n'était pas un livre obligatoire, c'est pour ça qu'il l'a délaissé et qu'il ne l'a pas écrit. Ensuite, lorsque Omar, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est saisi par la maladie, il est saisi par la douleur, il ne voulait pas s'opposer à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, il voulait apaiser la situation du prophète. Il savait que le prophète, il vivait un moment difficile, il était malade, etc. On ne comprend pas ici que Omar, il voulait désobéir. Non, Omar ici, justement, il voulait faciliter au prophète sallallahu alayhi wa sallam sa situation de maladie. On comprend aussi dans ce hadith la mise en garde face à la division. D'ailleurs, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas convenable de vous disputer auprès d'un prophète. Il lui dit que ça fait partie des spécificités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fait que on ne peut pas se disputer en sa présence. Et donc, bien entendu, il y a dans ce hadith le fait que la divergence est mauvaise. Et enfin, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et Muslim rapporte d'après Ibn Mas'ud qu'il a récité la sourate Yusuf. Un homme a dit, ce n'est pas ainsi que la sourate fut révélée. Subhanallah, tout à l'heure on a vu Ibn Mas'ud qui a entendu un homme réciter, et Ibn Mas'ud nous dit, il a récité d'une manière que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter autrement. Et là, ici, lorsque c'est Ibn Mas'ud qui récite, un homme lui dit, ce n'est pas ainsi que la sourate fut révélée. Il a répondu, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, est-ce que tu rejettes le livre? Est-ce que tu rejettes le livre? Et donc Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, il nous montre que cela fait partie du fait de rejeter le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc tu dois vérifier avant et donc accepter tout ce qui a été rapporté de manière authentique. On va arrêter là. Bismillahi ta'ala wa faqallahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.